venu du rythme lent, en majesté, l'image nimbée. C'était un Gainsborough, dans un salon anglais. Peut-être un érudit en exil, dans le dominion abandonné, qui traînait sa mélancolie, en courant le cerf de Virginie, l'ours brun ou le caribou, en d'interminables chasses. Au rendez-vous des trappeurs, on tirait la bécasse, le renard argenté ou les ratons laveurs. Les carabines bien rangées sont encore là, dans la vitrine. Dans les fauteuils hantés, ces messieurs en bottes et cuissards de fumée des Havanes, en sculptant le bois de pin, ils savaient construire des cabanes à la manière des Indiens. On recevait des hommes d'État, des aventuriers, des pêcheurs, à quelques pas seulement de la forêt sans fin, au lieu-dit pourvoirie du tripteau, ou prendre ses quartiers d'été, quand le confort colonial était de bon ton et les enfants autour du feu grimpent sur les fauteuils usés, sous les yeux étonnés des trophées nostalgiques. L'obscur présage du ciel d'été et sa pluie d'étoiles, dans le silence gris de l'étang, force l'hommage. Le jeune élégant et sa badine portait son cœur en bandoulière. Le ton était viril, on était entre soi. Il n'était pas question de dame, et la fumée du tabac le couronnait de l'auréole des cœurs blessés qui ont perdu leur âme sur le tapis vert du roi, au poker menteur.